بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On commence aujourd'hui le cours numéro 44 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان de Cheikh الإسلام ابن تيمية رحمه الله avec les commentaires de Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. J'ai amené une copie du livre de Cheikh al-Islam, Al-Furqan. Donc ça, c'est le livre de base. D'accord. Mais ça c'est le sharh, mais ça, c'est juste le volume 1. Il y a un autre volume après la même grosseur que ça. Donc c'est deux volumes. Mais le livre de base lui-même, il est... Bon, il est un petit... Même ça, c'est gros parce qu'il y a quand même le tahqiq en bas. Donc il y a des notes de bas de page, mais sinon le livre il est pas si gros que ça à la base. Nous on est rendu ici là dans le livre, sans compter si on enlève l'introduction du donc ça commence ici à peu près. Donc on a lu tout ça jusqu'à date. Donc il reste quand même plus que la moitié. طيب. Donc on est rendu maintenant dans l'explication du point suivant. شيخ الإسلام بن تيمية الجزي رحمه الله وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل تريد أن تتابع فيه؟ وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل عند الله؟ أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ ثم أي؟ قال بر الوالدين. ثم قال ثم أي؟ أو قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني ولو استزدته لزادني. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Bukhari Muslim, ils ont rapporté dans leur sahih, dans leur recueil authentique de hadith, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que il a dit: j'ai dit ô messager d'Allah, laquelle des œuvres est meilleure pour Allah? Alors il a dit la prière dans son temps. Après, il a dit, et laquelle des deux? Et il a dit, yani, birrul walidain ensuite. C'est-à-dire d'être obéissant et d'être bon envers ses parents. Puis il a dit, puis laquelle ensuite? Il a dit, le jihad fi sabilillah. Le fait de lutter, de combattre dans le sentier d'Allah. Il dit, et c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a mentionné ces paroles-là. Et si je lui avais demandé de me rajouter des exemples, il m'en aurait augmenté ou bien il m'en aurait donné d'autres. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là: هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال الصلاة على وقتها. يعني لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم سأله بعد ذلك فقال بر الوالدين، يعني بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها في الفضيلة. ثم قال أي؟ ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فدل هذا على عظمة الصلاة وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه، ودل على فضل بر الوالدين ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لأن حقهما يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. Donc on va traduire cette partie. Cheikh il dit que donc Abdullah ibn Mas'ud il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith quelle des œuvres est meilleure pour Allah, et il lui répond la salat dans son temps. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 103 dans sourate An-Nisa, la salat elle est imposée aux croyants dans des temps bien précis, hein. Et ensuite, il lui a demandé quelle autre action est bonne après ça, meilleure pour Allah après ça. Il a dit la bonté envers les parents. Il a dit la bonté envers les parents vient après la salat dans son temps, dans le mérite et dans l'excellence. Pourquoi? Parce que c'est un des droits que Allah a placé après son droit, hein, dans la religion. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc la bonté envers les parents, ça vient tout de suite après l'ordre du tawhid. Il dit, puis ensuite il lui a demandé laquelle des actions est meilleure, il lui a dit le jihad fi sabilillah. Donc tout ça, ça indique premièrement la grandeur de l'importance de la salat, et qu'il faut la faire dans le temps que Allah a déterminé pour chacune de ses prières. Deuxièmement, le mérite de la bonté envers les parents et de sa position par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, et que le droit des parents vient après le droit d'Allah, directement après. Ensuite, il dit « ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. » Donc il dit, et ça indique que le jihad fi sabilillah, il vient ensuite, et que la bonté envers les parents est à précédence sur le jihad fi sabilillah. Il dit « وَهَلْ بَعْدَ هَذَا آكِدْ أَوْ آكَدْ » والنبي صلى الله عليه وسلم وهل بعد هذا آكد يعني والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله قال له أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد فالذين يذهبون الآن ليجاهدوا بزعمهم ويتركون والديهم ولا يستأذنونهم ويزعمون أن هذا أفضل من بر الوالدين هذا من الجهل والعياذ بالله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله لو كان هذا جهاد في سبيل الله لو كان هذا جهاد في سبيل الله مع أنه لا تنطبق عليه الضوابط ضوابط الجهاد في سبيل الله ولكن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله وتنطبق عليه ضوابط الجهاد فبر الوالدين مقدم عليه سبحان الله لشيخ الزي يعني le jihad, il vient après la bonté envers les parents, l'obéissance aux parents. Donc l'obéissance aux parents a précédence sur le jihad fi sabilillah. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort comme pour confirmer cette chose-là encore? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du jihad fi sabilillah. Il veut partir. Il a dit, ô messager d'Allah, je vais aller faire le jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tes deux parents sont vivants? Il a dit oui, ils sont vivants. Alors il dit, fais ton jihad en t'occupant de tes parents. C'est ça ton jihad. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Amr. Donc ceux qui partent, le cheikh dit, ceux qui partent et qui veulent aller faire le jihad selon ce qu'ils prétendent, et qui abandonnent leurs parents et qui ne leur demandent pas la permission, et ils s'imaginent que ça c'est meilleur que d'être bon envers leurs parents, ça c'est l'ignorance. Voilà, iyadu billah. Il dit, parce que la bonté envers les parents a précédence sur le jihad dans le sentier d'Allah. Et il dit, et ça c'est si c'était vraiment un jihad fisabilillah. Il dit, parce qu'on sait que qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'ils appellent jihad, ne respectent pas les règles et les conditions du jihad dans le sentier d'Allah. Mais supposons que ça respectait que c'était un jihad fisabilillah et que ça respectait les règles et les conditions du jihad, eh bien, malgré ça, la bonté envers les parents aurait précédence sur le jihad fi sabilillah. Le cheikh il mentionne le hadith suivant, il dit wa fi sahihayn anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu su'ila ayyu al-a'mali afdal qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi qila thumma madha qala hajjun mabrur. Donc le hadith suivant est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, et il dit que on a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir laquelle des œuvres est meilleure. Il a dit la foi en Allah, puis le jihad fi sabilillah. Puis on lui a dit, et ensuite quoi? Et il a dit un hajj qui est mabrour, c'est-à-dire un hajj qui est accepté, hein? Un hajj qui est mabrour. Et le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ce hadith, il dit al-ahadith fi fada'il al-a'mal kathira wa tatafawat wa ahyana yadhkur an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadha wa ahyana yadhkur hadha mimma yadullu ala anna fada'il al-a'mal kathira walhamdulillah wa anna Allah wassa'a al-khayr fa afdalu al-a'mal imanu billah thumma jihadu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillah ثم الحج المبرور الحج المبرور من الجهاد في سبيل الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وليس كالحج ولكن الحج المبرور الذي تقبله الله من صاحبه وأداه صاحبه على الوجه المشروع خالصا لوجهه كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فيكون خالصا لوجه الله ويكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطه معصية ولا إثم وهذا هو الحج المبرور. Donc le cheikh il explique que les hadiths sur les mérites des œuvres qu'on fait sont nombreux et ils ont tous des c'est-à-dire il y en a de toutes sortes et les œuvres qui sont mentionnées dans ces hadiths là c'est des œuvres de différents degrés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et on voit que dans ces hadiths-là, parfois il mentionne certaines actions, et dans d'autres hadiths, dans d'autres occasions, il va mentionner d'autres actions. Comme on a vu le hadith précédent, et dans ce hadith-là, il mentionne d'autres exemples parmi les choses qui font partie des actions et les mérites qui sont reliés à ces actions-là. Donc il dit, dans ce hadith, il dit par exemple, parce que les mérites des œuvres ils sont nombreux, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de possibilités pour faire le bien. Alors, parmi les meilleures actions, il y a bien entendu la foi en Allah. Puis ensuite, le jihad, fi sabilillah, dans le but d'élever la parole d'Allah. Puis ensuite, un hajj qui est mabrour. Et le hajj mabrour, c'est le hajj qui est accepté. Et il dit que ça fait même partie du jihad. Le hajj mabrour, il fait même partie du jihad. Et même que les femmes ont demandé au messager d'Allah, on voit que les hommes, ils ont beaucoup de récompenses dans le djihad, et nous les femmes on ne fait pas le djihad. Est-ce que nous on a un djihad aussi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, oui, votre djihad, il n'y a pas de combat dedans, c'est yani, de faire le hajj, la umra. Donc, ça fait partie du djihad, le hajj. Et le cheikh il dit, donc, par contre, c'est pas n'importe quel hajj. Par contre, c'est pas n'importe quel hajj qui fait partie du jihad, mais c'est en particulier le hajj al-mabrour, celui que Allah va accepter de celui qui l'a fait. Et c'est quand est-ce qu'il sera mabrour ton hajj? Ton hajj va être mabrour lorsque tu l'as fait selon la manière qui a été légiférée et que tu le fais avec sincérité et pureté pour Allah seul. Et que tu le fais en accord avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 196 dans Surat al-Baqarah, « Wa atimmu al-hajj wa al-umrata lillah » et complétez votre hajj et votre umra pour Allah. Donc quand on dit pour Allah, ça implique la sincérité. Pas pour personne d'autre, pour quelque chose d'autre. Pour que les gens disent « Ah lui il est hajj, il est allé à Mecca. » Non, tu le fais pour Allah seul. Et pour son visage seulement. Puis tu le fais en accord avec la sunna et non pas avec plein d'innovations ou de bid'ah. Et aussi en même temps tu le mélanges pas avec des péchés et des désobéissances. Quand tu vas faire ton hajj, tu vas pas profiter de cette occasion pour faire des péchés pendant ton voyage, désobéir à Allah. Il y en a comme des gens qui vont faire le hajj puis par exemple ils volent des choses ou bien ils fument des cigarettes ou bien des trucs comme ça. Il y en a des gens avec les haram et puis ils fument la cigarette. Ou bien ils vont, par exemple, avec les haram, ils vont raser la barbe et des trucs comme ça. Yani, subhanallah, c'est pas une occasion pour faire des péchés, yani, d'aller faire le hajj, tu fais des péchés en même temps. Ou bien, yani, en tout cas, il y a beaucoup d'exemples de péchés. Vous les connaissez, les péchés, j'ai pas besoin de mentionner plein d'exemples, vous comprenez de quoi on parle. Et le cheikh dit donc ça c'est le hajj qui respecte les conditions de la charia, qui respecte la sunna et qui est exempt de péché et qui est fait avec sincérité, ça c'est le hajj al-mabrour. Le cheikh il mentionne un autre hadith, il dit au fi sahihain anna rajulan qala lahu sallallahu alayhi wa sallam ya rasul Allah قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعه أو لا تطيقه قال فأخبرني به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر ولا وتقوم ولا ولا ولا تفطر. Donc dans Al-Bukhari et Muslim, il y a un autre hadith aussi qui est rapporté, dans lequel un homme vient demander au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, informe-moi d'une action qui serait égale au djihad dans le sentier d'Allah. » Hein, le fait de lutter dans le sentier d'Allah. Il a dit, « Tu ne seras pas capable. » Alors, il lui a dit, « Alors informe-moi, qu'est-ce que c'est ?» Il lui a dit, « Est-ce que tu es capable ?» Lorsque le mujahid, il part pour le combat, dans l'expédition, hein, il sort mujahid, pour combattre dans le sentier d'Allah. Est-ce que tu es capable, à partir du moment qu'il part, jusqu'à ce qu'il revienne, de jeûner sans jamais cesser de jeûner, et de prier sans jamais arrêter de prier ? Tasoum wa la tuftir, wa taqoum wa la taftur. Tu vas prier sans cesse, et tu vas jeûner sans cesse, jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que tu es capable ? Non. On n'est pas capable de faire ça. Donc ça montre le mérite, hein, du djihad fi sabilillah. Le cheikh dit wa hada yadullu ala fadl al djihad fi sabilillah wa anna alladhi yujahidu fi sabilillah afdalu min as-sa'im alladhi la yuftir wa afdalu min al-qa'im alladhi la yaftur min al-qiyam. فدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال فلا يستهان بالجهاد في سبيل الله عز وجل وغرض الشيخ من ذكر هذه الأعمال بيان صفات أولياء الرحمن وأن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال الجليلة وليست الولاية للرحمن مجرد دعوة أو شكليات أو هالات حول الشخص وإنما ولاية الله تقتضي هذه الأعمال الصالحة هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون وكل هذا داخل في قوله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc le cheikh il explique que Cheikh Al-Fawzan حفظه الله, il dit que ça prouve que le jihad fi sabilillah il a un grand mérite, et que le mujahid fi sabilillah il est meilleur que celui qui jeûne sans cesse et qui fait la salat sans cesse, hein, la nuit, hein, la nuit. Et il dit que ça c'est la preuve que donc le djihad fait partie des meilleures actions, et donc il ne faut pas dénigrer ou négliger l'importance du djihad fi sabilillah. Et il dit l'objectif et le but du cheikh de mentionner ses œuvres et de mentionner ses œuvres, c'est quoi? C'est de clarifier les caractéristiques et les attributs des serviteurs rapprochés d'Allah et des awliya d'Allah. Parce que les awliya d'Allah, les awliya d'Ar-Rahman, sont ceux qui font ces œuvres qui sont mentionnées dans ces hadiths-là. Donc, ils font le djihad, ils font birrul walidain, ils font le hajj al-mabrour, ils font la salat fi waqtiha, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui dit, moi je ne fais pas le djihad, ou bien qui renie l'importance du djihad, ou qui dit, non, le djihad al-akbar, c'est par exemple de rester chez soi, puis le djihad al-asrar, c'est de partir au combat, comme on a dit au dernier cours. Et ça, c'est pas ça la vérité. Parce que les soufis, tu les verras pas partir en général au combat, ils participent jamais. Hein? Ils pensent que ça, c'est pas important. Donc, le cheikh, il dit que, donc, c'est pas juste être un wali d'Allah, c'est pas juste, ni des apparences. C'est pas juste d'avoir un certain respect autour d'une personne. Non. Al-wilaya d'Allah, ça veut dire que tu vas faire les bonnes œuvres qui sont reliées, hein, à al-wilaya. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala décrit les awliya en disant que ce sont ceux qui ont cru et qui ont at-taqwa. Hein? Donc, sans ça, on ne peut pas déterminer si la personne est un wali si elle ne fait pas ses bonnes œuvres. Ensuite, le cheikh dit wa fi sahih, wa fi sunan, pardon, wa fi sunan an Mu'adh radiyallahu anhu, wa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu wassa lamma ba'athahu ila al-Yaman, fa qala ya Mu'adh, ittaqillaha haythu ma kunt, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Donc c'est le hadith qui est célèbre, le hadith de Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, « Oh Mu'az, hein, préserve-toi d'Allah où que tu sois. Préserve-toi d'Allah et de son châtiment où que tu sois. Et fais suivre le péché par des bonnes œuvres pour l'effacer. Hein, fais suivre tes péchés que tu fais, fais-les suivre par des bonnes actions pour que ça efface tes péchés. Et agis avec le bon comportement avec les gens. Soit d'un comportement qui est bon avec les gens. » Et le cheikh, il a mentionné ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Il dit, Cheikh al-Fawzan, à ce sujet-là, « وَلَمَّا بَعَثَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ مُعَاذِ بْنَ جَبَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِفَضْلِهِ وَعِلْمِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَهُ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَمُعَلِّمًا وَقَاضِيًا إِلَى جِهَةِ الْيَمَنِ فقال له هذه الوصية العظيمة أوصاه بثلاث كلمات اتق الله حيثما كنت يعني لازم تقوى الله بامتثال أوامره وترك نواهيه أينما كنت سواء كنت في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في البر أو في البحر أو في الجو اتق الله حيثما كنت أو كنت مع الناس أو كنت خاليا ليس عندك أحد من الناس لازم تقوى الله عز وجل يعني حيثما كنت هذه هي التقوى الصحيحة أما الذي يتقي الله في مكان دون مكان أو مع الناس ولكن إذا خلا اختلف وضعه فهذا لا يتقي الله سبحانه وتعالى اتق الله حيثما كنت هذه واحدة وفايكسبليكي سا. Le cheikh, il dit un point très important. Il dit que, bon, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Mu'az radiyallahu anhu au Yémen. Pourquoi il l'a envoyé au Yémen? Et pourquoi il a envoyé Mu'az? Il dit, il a envoyé premièrement Mu'az à cause de son mérite, hein, de ses bonnes œuvres et de son bon comportement, de son intelligence et de sa grande science dans la religion, son savoir religieux. Radiallahu anhu. Et il l'a envoyé pourquoi? Il l'a envoyé comme da'ya, pour inviter les hommes à Allah et les appeler à l'islam. Wa mu'alliman, et comme professeur, enseignant. Wa qadiyan, et comme juge, hein, pour juger et trancher entre les gens dans leurs disputes et dans leurs désaccords. Et il l'a envoyé donc dans la région du Yémen. Et il lui a donné ce grand conseil. En mentionnant quatre phrases. La première, il lui a dit, préserve-toi d'Allah où que tu sois. C'est-à-dire, reste toujours dans la taqwa d'Allah. En faisant ce que Allah t'ordonne, hein, préserve-toi d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne et en abandonnant ce qu'il t'interdit de faire et où que tu sois. Peu importe que tu sois au Yémen, ou que tu sois en Syrie, ou que tu sois en Égypte, ou que tu sois dans la campagne, ou que tu sois dans la mer, ou que tu sois dans l'espace, peu importe où tu es, préserve-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il t'ordonne, en t'écartant de ce qu'il t'interdit. Que tu sois tout seul, ou que tu sois avec les gens. Il dit, reste toujours dans le fait de te préserver du châtiment d'Allah et d'Allah, où que tu sois. C'est ça la vraie piété, c'est ça la vraie taqwa qui est véridique et authentique et correcte. Il dit, si quelqu'un il se préserve uniquement d'Allah dans un endroit, mais pas dans un autre, ou avec les gens, mais quand il est seul, sa situation est différente, il dit, dans ce cas-là, la personne, elle n'a pas vraiment été taqi, elle n'a pas vraiment été pieux et ne s'est pas préservé d'Allah correctement. Et il dit donc, ça c'est la première chose. Préserve-toi d'Allah où que tu sois. Il dit, وَهِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ وَهِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ. Donc ça c'était pour qu'il se préserve par rapport au droit d'Allah et par rapport au droit de sa personne. Et il dit donc ittaqillah, ça c'est par rapport au droit d'Allah. Après, au droit de sa personne, il lui mentionne le deuxième point, yani wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Al-insan laysa ma'suman. Yaqa'u minhu mukhalafat, fa'alayhi an yatuba ila Allah 'azza wa jalla, wa an yutbi' as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. كما قال عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات مع التوبة يعني تتبع الطاعة تتبع الطاعة وتحل محل تحل محل المعصية طاعة من أجل أن الطاعة تمحو المعصية وتكفرها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وهذا فيما بين العبد وبين نفسه أن يراعيها ولا يتركها تعمل ما تشاء. Donc le cheikh dit deuxièmement, le serviteur par rapport à Allah, par rapport à sa personne, si l'être humain il fait un péché, il la fait suivre par une bonne action pour que cela efface son péché. Pourquoi? Parce que l'être humain, il n'est pas infaillible. L'être humain, il n'est pas parfait. L'être humain, il va tomber dans des erreurs. Il va parfois faire des choses contraires à la religion. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il est perdu? Est-ce que c'est fini pour lui? Non. Il peut se repentir à Allah. Il peut revenir à Allah et lui demander pardon. Et quand il va se repentir, Allah va accepter sa repentance et va le pardonner. Donc il fait, dans ce cas-là, suivre le péché par une bonne œuvre, une bonne action. Et ça va remplacer, le bien, ça va remplacer le péché qu'il a fait, pardon. Donc c'est comme quand quelqu'un, par exemple, il a un disque dur. Je me rappelle, à l'époque, on n'avait pas des CD ou des trucs comme ça. On avait des cassettes. Si on avait des choses sur la cassette qui sont pas bonnes, on pouvait enregistrer par-dessus, mettre des bonnes choses. Donc si tu as enregistré, par exemple, tu avais de la musique sur ta cassette, eh ben tu peux, au lieu de la jeter, tu vas juste prendre ta cassette, tu vas enregistrer par-dessus des durus, du Coran, des hadiths, des choses bénéfiques. Donc ça remplace le péché que tu fais, tu remplaces les péchés par des bonnes œuvres. La même chose pour les disques durs. S'il y a des péchés, des choses, tu les effaces, et tu remplaces ça par des bonnes choses. Naam, ça efface les péchés que tu as faits. Oui, la repentance, c'est pour les kaba'ir. Tu vas faire des kaba'ir. Si tu as fait des kaba'ir, tu demandes à Allah qu'il te pardonne, tu te repens à lui. Il va accepter ta repentance. Oui. En fait, les ulama, ils ont mentionné la distinction entre les grands péchés et les petits péchés. Ils ont dit que les grands péchés, c'est les péchés au sujet desquels, dans les versets ou les hadiths, il y a la mention d'une punition dans cette vie d'ici-bas ou des punitions dans l'au-delà. Ou bien une menace. Ou une malédiction, ou un châtiment, ou une peine parmi les peines de la charia. Donc tous les péchés au sujet desquels il y a ce genre de choses, on considère que ça fait partie des kaba'ir. Puis les péchés au sujet desquels il n'y a pas ce genre de menaces, ou des peines, ou des punitions dans cette vie ou dans l'au-delà, ou des malédictions, ou des choses comme ça, alors ça, c'est considéré comme des petits péchés. Naam. Al-lamam. Allah, s'il se repent, si quelqu'un il commet des péchés et qu'il s'est repenti, Allah va lui pardonner tous les péchés, peu importe la catégorie, peu importe la grosseur, peu importe la grandeur, même le pire de tous les péchés qui est le shirk, si quelqu'un il demande pardon d'avoir fait le shirk et il se repent à Allah d'avoir fait le shirk et il devient musulman ou il revient à la foi, eh bien Allah va lui pardonner et va accepter sa repentance. Donc il n'y a pas un péché qui est trop grand pour que Allah le pardonne si la personne elle s'est repentie. Allah pardonne tous les péchés. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Donc il a pas dit بعض الذنوب دون بعض. Non. Il a pas dit certains péchés. Il a dit tous les péchés sans exception. Donc il y a pas même la quantité. يعني يا عبادي لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم استغفرتني لا أتيتك بقربها مغفرة. Il dit, oh mon serviteur, si tu venais avec la quantité de la terre en péché, puis que tu me demandes pardon, alors je te donnerai la quantité équivalente en pardon. Si c'est quelqu'un qui fait plusieurs catégories de péchés en même temps, il doit se repentir pour chaque péché qu'il fait. S'il fait une demande de pardon générale, puis qu'il continue à en pratiquer certains, puis qu'il cesse d'autres, eh bien, ça, c'est pas une repentance complète. Parce que la personne, Allah va lui pardonner pour les péchés qu'il s'est repenti, mais s'il continue à en faire d'autres, ben, il doit se repentir pour les autres aussi. Mais s'il cesse tous les péchés et qu'il demande pardon pour tous les péchés en même temps, ça c'est, Inch'Allah, Allah va lui pardonner tous ces péchés-là. Parce que la condition de la repentance, c'est, comme les ulama l'ont mentionné avec les preuves, al-nadam, le remords d'avoir fait le péché. Puis, al-iqla', c'est-à-dire de cesser de commettre le péché. Puis, al-azm al-adam, d'avoir la détermination de ne plus retourner à ce péché au moment de la repentance. Puis la condition quatrième condition, au cas où quelqu'un par exemple a un droit d'une autre personne qui a été pris ou qui a été bafoué, alors il doit réparer l'erreur qu'il a commis. Et certains ulama, ils ont mentionné aussi comme première condition que ce soit avec sincérité, c'est-à-dire l'intention. Parce que si tu te repens pas parce que quelqu'un t'a attrapé ou parce que quelqu'un t'a pris la main dans le sac. Non, tu te repens parce que tu as le remords, tu te repens pour Allah seulement, pas pour quelqu'un. Non. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa athbi'i sayyi'at al-hasana. Tu fais suivre le péché par des bonnes œuvres. Et il dit Allah dans le verset yani inna al-hasanat yudhibna sayyi'at. De façon générale, donc quand tu fais des péchés, tu les fais suivre par des bonnes œuvres. C'est tout. C'est, si je fais rak'atain ou 4 rak'at ou 8 ou 10 ou 12, yani c'est permis là, des nawafil que tu veux faire le soir ou la nuit. Ouais, il n'y a pas de limite. Et le plus que tu fais dans le bien, c'est mieux. Souvent les gens par exemple, quand ils ont commis un péché grave et ils ont beaucoup de remords en vis-à-vis d'Allah, ils se sentent tellement mal qu'ils reviennent à Allah, et quand ils reviennent plus fort que qu'est-ce qu'ils étaient auparavant, avant de faire le péché. Donc c'est-à-dire que la brûlure, la douleur qu'ils ressentent dans leur cœur, le remords qu'ils ont dans leur cœur d'avoir commis cette désobéissance et ce péché-là envers Allah, elle était tellement forte que ça les a amenés à se réformer et à devenir encore meilleur que qu'est-ce qu'ils étaient auparavant. Na'am. C'est pour ça que des fois tu vois des gens qui ont tellement été loin dans le mal, tellement loin dans le péché, à des degrés que quelqu'un ne peut pas imaginer, que quand ils reviennent à l'islam, ils sont plus forts que même ceux qui pratiquaient l'islam depuis longtemps. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'ils ont connu la noirceur, l'égarement, l'ignorance et les péchés vraiment loin. Donc ils ont connu le kufr et le shirk ou l'égarement le plus total. Alors quand ils rentrent dans l'islam, ils rentrent, ils sont avec du béton armé dans leur foi. Hein? C'est une façon de parler parce qu'ils ont vu le mal, ils ont vu le shaitan direct, hein, comme on dit. Donc quand ils reviennent à l'islam, ils connaissent tellement bien le shaitan, ils le détestent plus que les autres. Tandis qu'il y a des gens, ils ont vécu leur vie dans l'islam et ils vivent avec le shaitan et ils ne réalisent pas. Nasallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh, il dit, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai connu des gens qui étaient aux États-Unis par exemple, des frères qui étaient en prison, ils ont commis des crimes avant l'islam, ils étaient dans le kufr, ils étaient dans le shirk, ils ont fait toutes sortes de choses de bandits, et puis Allah les a guidés quand ils étaient en prison, et quand ils sont repentis à l'islam, ils sont devenus d'autres personnes. Et ils sont devenus tellement forts et fermes dans leur foi, comme si tu les vois, c'est des êtres transformés. Oui. Mais c'est parce que la grandeur du mal est dans la vie qu'ils ont connue, c'est-à-dire ils ont vraiment compris la réalité de la valeur de l'islam. Hein? C'est comme on dit, on connaît pas la valeur d'une chose, excepté lorsqu'on l'a perdue, mais lorsqu'on l'a pas connue, puis qu'on l'a trouvée après, on réalise son importance. Tandis que quelqu'un qui l'a eu toute sa vie, mais qu'il n'a pas vraiment su quelle valeur elle a, cet islam, il va s'accrocher, mais avec un petit peu de faiblesse peut-être, parce qu'il dit ouais, ben c'est quelque chose que j'ai connu tout le temps, hein. Tandis que sinon l'autre qui était, hein, ça c'est arrivé souvent, des fois j'ai rencontré des jeunes que je connaissais. Je me rappelle, j'ai vu des jeunes avant l'islam, je ne savais pas que c'était des musulmans. Mais je les voyais à l'école, ils étaient à la même école que moi. Mais moi, je n'étais pas musulman, je ne savais pas qu'est-ce que c'est des musulmans. Je ne savais même pas que des gens de ce pays-là, c'est des musulmans. Mais quand je suis arrivé à la mosquée, moi j'ai découvert l'islam, je suis arrivé à la mosquée, je les ai vus, j'ai dit, toi tu es musulman ? J'avais jamais imaginé que ces gens-là c'étaient des musulmans, parce que les choses que je les voyais faire et les endroits où ils allaient et les choses qu'ils faisaient, c'est pas les actions des musulmans. Non, c'est vrai, mais les parents musulmans, ils savent pas ce que leurs enfants ils font dehors. Ça c'est la vérité. Les parents musulmans, ils savent pas ce que leurs enfants font dehors. Ils ne peuvent même pas imaginer dans quel niveau et dans quel égarement leurs enfants ils sont dehors. Et quand ils viennent à la maison, ils font les anges, hein, devant leurs parents. Mais quand ils sortent de la maison, ils deviennent comme des shayatins. Non. Taban. Les enfants, des enfants, moi j'ai rencontré des jeunes de certains pays musulmans, ils m'ont dit, on croyait pas en l'islam, mais on disait qu'on était musulmans juste pour faire plaisir à nos parents. Mais sinon, ils croyaient pas en l'islam. Si tu leur poses des questions sur la charia de l'islam et sur les règles du Coran et de la Sunna, et tu leur demandes, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils vont dire non, ça c'est pas bon ça. Nous, hein, on est d'accord avec la liberté et les trucs de kufr. Oui, parce que ils sont des munafiqines. Hum munafiqun. Ou de vrai, ils disent qu'ils sont musulmans juste pour faire plaisir à leurs parents. La réalité, c'est qu'ils ne croient pas en l'islam. Beaucoup d'entre ces gens-là, c'est déjà ils ne croient pas réellement en l'islam parce qu'ils disent ça juste parce qu'ils veulent faire plaisir. Ils ne veulent pas faire de la peine à leurs parents. C'est tout. Oui, nifaq akbar. C'est sûr que si les parents ont été une cause dans l'égarement de leurs enfants, ils auront une part de responsabilité. Mais s'ils n'ont pas été une cause, si les parents ils ont préservé leurs enfants, mais que les enfants ont choisi d'eux-mêmes l'égarement, l'exemple, on a les exemples avec Nuh alayhi salam, il s'est sauvé, il a préservé sa famille, son fils il a choisi le coffre, il ne pouvait rien faire pour le sauver. Hein? Tandis que yani, dans le cas où quelqu'un il a fait l'effort, il a essayé de préserver ses enfants de l'égarement, mais ses enfants ont choisi l'égarement malgré lui, il a tout fait, mais dans ce cas-là, il n'est pas responsable. Le problème avec les parents qui viennent avec leurs enfants dans les pays de coffre, non seulement ils ont une part de responsabilité si leurs enfants s'égarent ici, mais le pire, c'est que certains d'entre eux, ils vont même dire à leurs enfants, c'est pour vous qu'on est venu ici. Hein? Ils disent, on est venu ici pour vous, pour sécuriser votre avenir, pour faire ci, pour faire ça, on veut que vous ayez des gros diplômes, comme ça vous allez retourner dans votre pays, vous allez avoir ou à la limite même, vous allez être ici, vous allez rester là, et vous allez avoir des belles vies. Mais est-ce qu'ils peuvent garantir qu'ils ne vont pas tomber dans la drogue, ils ne vont pas tomber dans le zina, ils ne vont pas tomber dans le péché, dans le shirk, dans le bid'a, dans les toutes sortes d'homosexualité, dans toutes sortes. Ils ne peuvent pas garantir ça. Hein? Qui peut donner une garantie là-dessus? Moi, non, j'ai confiance en mes enfants, ils ne vont pas faire ça, ils ne vont pas. Hein? Il n'y a pas de garantie de l'égarement. Et c'est le cas, c'est arrivé à beaucoup de jeunes. Hein? Et même des fois, peut-être qu'ils ne vont pas faire de la drogue, peut-être qu'ils ne vont pas faire des crimes, des choses comme ça. Peut-être qu'ils ne vont pas finir en prison, c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont nécessairement être des mouminines? Non. Il y a des koufars qui ne sont pas des criminels. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tuer quelqu'un ou faire des choses illégales. Mais malgré tout, c'est des ennemis d'Allah. Parce qu'ils ne croient pas en Allah. Ils ne font pas ce qu'Allah a ordonné. Et ils ne s'abstiennent pas de ce qu'Allah a interdit. Donc c'est pour ça. C'est très important. Et le cheikh, il dit ensuite, par rapport au hadith, le troisième point, wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Yani al-thalitha baynahu wa bayna an-nas, khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Yani rahabat sadr wa istiqbal lahum wa inbisat ma'ahum wa lin al-janib ma'ahum wa hadha al-khuluq al-hasan. Yani rahabat sadr istiqbal lahum انبساط معهم لين الجانب معهم هذا الخلق الحسن وهو صفة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وإنك لعلى خلق عظيم وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يعني يمتثل القرآن الكريم ويعمل به وهذا خلق الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخلق ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فهذه صفات يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله أن يتقي الله حيثما كنت أو حيثما كان وأن يتبع أو يتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها وأن يخالق الناس بخلق حسن هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله فهؤلاء هم أولياء الرحمن الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاث الصفة الأولى أن يتقون الله حيثما كانوا الصفة الثانية ويتبعون السيئة الحسنة تمحها ولا يتركون الذنوب تحيط بهم وتهلكهم والصفة الثالثة ويخالقون الناس بخلق حسن الله عز وجل قال قولوا وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا نعم مع الناس ومع النفس العلاقة مع الله والعلاقة مع النفس ومع الناس مع الآخرين نعم هذا من هذا من يعني من معنى الحديث هذا من معنى الحديث نعم ولكن في زيادة على هذا نعم donc la troisième partie de ce hadith donc la première partie c'est le comportement envers Allah d'avoir la taqwa la deuxième partie du hadith c'est envers soi-même lorsqu'on fait des péchés on se repent à Allah et on fait des bonnes œuvres pour effacer les péchés et la troisième partie avec les gens comment on se comporte avec les gens et il dit c'est-à-dire d'avoir avec les gens un bon comportement et le cheikh il donne des exemples de qu'est-ce que ça signifie d'avoir le bon comportement ça veut dire que tu vas avoir une poitrine accueillante c'est-à-dire que quand je dis une poitrine accueillante c'est-à-dire ton cœur il est ouvert aux autres hein? Tu es accueillant pour les autres yani rahabat sadr dans ton cœur tu es ouvert pour accueillir les autres tu n'es pas fermé sur toi-même tu accueilles les autres hein? Quand ils viennent tu les accueilles bien hein? Tu les fais sentir à l'aise tu vas être yani, souriant avec eux chaleureux hein? Jovial ouvert avec les gens linul janib ma'hum tu vas être doux hein avec eux dans ton attitude avec eux dans ton comportement tu vas pas être rude et toujours rude et dur avec les personnes hein c'est ça le bon comportement et c'est ça le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam et il mentionne le verset 59 dans sourate al-imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit hein Yani, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Mais si tu avais été dur, rude de cœur, hein, ils se seraient éloignés de toi. Hein? Juste un instant. Oui, bien sûr. Wafika barak. Naam. Ce hadith, en passant, il est dans Al-Arba'un al-Nawawiyya. Il fait partie des 40 hadiths que tous les musulmans devraient mémoriser. Ça là, ces 40 hadiths de An-Nawawi, tous les musulmans devraient essayer de faire l'effort de les mémoriser. Parce que c'est 40 hadiths qui résument la religion en entier et qui expliquent les règles de la religion au complet. Et c'est donc des hadiths très importants. Donc pour revenir à l'explication du verset, donc... Hein, si tu avais été rude, hein, dur et rude hein, de cœur, ils se seraient tous écartés et enfuis de toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, il était miséricordieux avec les gens, il était doux avec eux, il n'était pas rude et dur. Donc on voit que certains musulmans, par exemple, parmi les ignorants, parmi les gens de l'ignorance et de l'égarement, à notre époque, ils pensent que d'être un bon musulman, c'est d'être dur, d'être rude avec les gens, puis que c'est comme ça qu'il faut être. Allez, c'est ridicule que si tu penses que tu vas être comme ça. Comment tu penses que tu vas faire pour inviter les gens au bien si tu es comme ça avec eux? Ils vont pas vouloir rester avec toi. Hein? Qui veut rester avec quelqu'un qui est comme ça? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était hein, le meilleur comportement. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit... Justement, le cheikh il avait mentionné ce verset dans Sourate Al-Qalam, le verset 4. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ Et certes, tu es sur un immense exemple de bon comportement. Donc, ça c'est un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne. Et lorsqu'on a posé la question à Aisha radiallahu anha à propos du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « Kana khuluquhu al-Qur'an ». Il a dit « Son comportement, c'était le Qur'an ». Et le cheikh Al-Fawzan, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il dit « Quand il dit son comportement, c'était le Qur'an », ça veut dire qu'il mettait le Qur'an en pratique et en implémentation. Dans ses comportements, dans son action, dans ses œuvres, dans ses façons d'agir. Hein? Et il dit, c'était ça le comportement du messager d'Allah. Donc, Aïcha radiallahu anha, elle dit, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était le Coran. Ce hadith de Aïcha radiallahu anha, il est rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Et il est déclaré par Cheikh Al-Albani comme étant sahihun li ghayrihi. Il est également rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad. Et juste en passant, Al-Adab al-Mufrad, c'est un livre de l'imam Al-Bukhari qui ne fait pas partie de Sahih Al-Bukhari. C'est un livre qui est écrit par l'imam Al-Bukhari, mais qui ne fait pas partie de Sahih Al-Bukhari. Et dedans, il y a des hadiths qui ne sont pas Sahih. C'est pour ça. Eh oui, non, c'est ça. Parce que les conditions de l'imam Al-Bukhari dans ce livre-là, ce n'étaient pas les mêmes que dans son Sahih. Hein? Et en même temps, pourquoi il l'a appelé Al-Adab al-Mufrad? C'est parce que c'est le livre de Adab qui est séparé. Donc Mufrad, c'est-à-dire qu'il est tout seul. Parce que dans Sahih al-Bukhari, il y a Al-Kitab al-Adab. Il y a un livre qui s'appelle le livre du comportement, des bonnes manières. Mais celui-là, c'est Al-Adab al-Mufrad. Il ne fait pas partie de Sahih al-Bukhari. Donc il y a dedans les hadiths authentiques, mais il y a aussi dedans des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc il faut faire attention à ça. Des fois, les gens de Bid'a, ils vont citer un hadith et ils disent « Ah, c'est rapporté par Al-Bukhari. » Oui, mais c'est dans Al-Adab al-Mufrad. Et dedans, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques. On va faire comme baraka. Et le Cheikh, il dit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, c'était le Coran parce qu'il mettait le Coran en pratique, il l'appliquait. Et donc, yani, ça c'est le comportement du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que la personne qui invite à Allah et qui veut appeler les gens à l'islam, eh bien il doit avoir aussi un très bon comportement. Il a besoin d'un très bon comportement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 125 dans sourate An-Nahl, invite au chemin de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation et argumente ou débat avec eux de la meilleure façon. Et il dit dans le verset 44, dans Sourate Taha, à propos de Moussa et Haroun, lorsqu'ils vont parler avec Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa et à Haroun, « Faqoula lahu qawlan layinan » C'est-à-dire, dites-lui une parole de douceur. Hein? Parlez-lui doucement. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى Peut-être qu'il va se souvenir, hein? Et, ou bien il va craindre Allah. Et il dit, donc ça fait partie des caractéristiques qu'il est obligatoire pour quelqu'un d'avoir comme parure. C'est-à-dire, la personne qui invite à Allah, il doit se parer de ces belles caractéristiques-là, du bon comportement. Donc, et de qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith? Donc, de se préserver d'Allah là où il est, de suivre le péché par la bonne action pour effacer le péché qu'il a fait, et aussi d'avoir un bon comportement avec les gens. Ça, c'est les caractéristiques de la personne qui invite les hommes à Allah. Et donc, c'est les caractéristiques aussi des awliya d'Allah. Et donc, ils ont ces trois caractéristiques. Ils se préservent d'Allah où ils sont, peu importe où ils sont. La deuxième caractéristique, ils font suivre les péchés par des bonnes actions pour les effacer. Et ils délaissent les péchés, hein, ils ne laissent pas les péchés les faire périr et les faire tomber. Et en même temps aussi, ils agissent avec les gens avec un bon comportement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans verset 83 dans sourate Al-Baqarah, « وَقُولُ لِلنَّاسِ husna » et dites aux gens des bonnes paroles. Regardez ce hadith-là. Maintenant, qu'est-ce que Cheikh l'Islam il ramène? Il dit, « Waqal, ya mu'az, inni la uhibbuk. Fala tada'u an taqula fi duburi kulli salatin, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. » Donc, le Cheikh, il dit qu'ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'az, « Oh Mu'adh, certes, je t'aime. Moi, je t'aime. » Il a dit « Je t'aime. » Et donc, il lui a donné un conseil. Il dit « Ne laisse jamais ou ne cesse jamais de dire à la terminaison ou bien à la fin de chaque salat Ô Allah, aide-moi dans ton rappel, dans ton remerciement, hein, et dans ta bonne adoration, de t'adorer de la bonne façon. Yani husni ibadatik, de bien t'adorer. Aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à bien t'adorer. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et l'imam Ahmed dans la Musnad et Cheikh Al-Fawzan. Il dit à propos de ce hadith, « قال لمعاذ رضي الله عنه أيضا إني لا أحبك. » Hein? C'est ça l'exemple qu'on mentionnait l'autre jour par rapport à Kitab al-Tawhid, que le Mu'adh radiyallahu anhu, il était assis sur la mule, hein, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Yani, c'est-à-dire, t'imagines que tu aurais le privilège comme ça de pouvoir être assis sur le dos d'un animal ou le dos d'un cheval ou d'un âne avec le messager d'Allah, hein? C'est comme si tu dis j'étais en voiture avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Yani, quelqu'un qui est, hein, j'étais, par exemple, tu dis, Cheikh, par exemple, Cheikh Al-Albani, il m'a monté dans sa voiture. Hein, j'étais passager avec lui à côté. Et puis, il m'a amené quelque part. Yani, c'est déjà un privilège que tu peux dire que tu étais, hein, dans sa voiture avec lui, puis que tu as pu même avoir l'occasion de lui poser des questions ou de discuter avec lui. Hein? Donc Mu'az radiyallahu anhu, il a ce privilège là et ça prouve de son importance et son mérite, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'accepte pas n'importe qui comme quelqu'un pour l'accompagner dans un trajet ou un voyage. Et ici il lui dit, oh Mu'az, je t'aime, hein? Non, c'est qui est-ce que quelqu'un parmi les gens qu'il n'aimerait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse lui dire ça, hein? Ça c'est grand, ça c'est azim. Et en même temps aussi, tu vois, par exemple, il l'envoie au Yémen pour faire la da'wah. Aujourd'hui il y a des groupes comme Jamaat Tablir, ils partent des vingtaines, trentaines, quarante personnes pour aller dans un pays pour faire la da'wah. Il n'y en a pas un d'entre eux qui a du ilm, et ils pensent qu'ils font la da'wah, et ils vont là-bas, ils passent des jours dans la mosquée à manger, et ils savent pas rien faire d'autre, et ils peuvent même pas expliquer rien aux gens du tawhid et de la religion d'Allah. Parce qu'ils ignorent les fondements de l'islam. Et si tu leur demandes une fatwa, ils peuvent pas te répondre parce que ils connaissent pas la religion. Parce que eux-mêmes, ils te le disent, on n'a pas étudié l'islam. Et tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une seule personne, toute seule, pour aller faire la da'wah pour toute une région complète. Pourquoi? Parce que c'est un alim, c'est un savant, c'est pas n'importe qui. Donc, yani, si c'est une seule personne qui est capable de faire ça, yani, parce qu'il a du ilm. Quand il a du ilm, il est capable de faire beaucoup de choses. Mais quand c'est quelqu'un qui est jahil, même s'il y a 1000 personnes, ils peuvent rien faire. Moi, je vais te dire ce que je pense. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de quelqu'un que lui, il l'aime, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime quelqu'un, et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime que ce que Allah aime, et il n'aime que ce que Allah aime. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il l'aime, ça veut dire que Allah l'aime aussi. Oui, c'est clair. Parce que tu ne vas pas dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime quelqu'un que Allah n'aime pas. C'est pas possible. Hein? Mais en même temps aussi, ça ne veut pas dire que s'il ne dit pas à quelqu'un qu'il l'aime, qu'il ne l'aime pas. Même s'il ne dit pas à quelqu'un qu'il l'aime, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Hein? Parce qu'il aime tous les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est un privilège. C'est une particularité de Mu'az radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. Ça fait partie de ses fada'il. Donc il dit, le cheikh, وَقَالَ لِمُعَاذ رَضِيَ عَنْهُ أَيْضًا إِنِّي أُحِبُّكَ لَأُحِبُّكَ وَهَذَا فِيهِ فَضْلُ مُعَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ هَذِهِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ لِمُعَاذ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ شَخْصًا لِأَجْلِ دِينِهِ أَنَّهُ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا رضي الله عنه أنه يحبه، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا فيه دليل على أن من أحببته أنك توصيه بما ينفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحب معاذا رضي الله عنه أهدى إليه هذه الوصية العظيمة. Donc le Cheikh il dit que ça c'est un grand mérite pour Mu'adh رضي الله عنه de lui mentionner qu'il l'aime, et c'est une grande excellence et un grand mérite pour lui. Donc il y a dans ça la preuve que si tu aimes quelqu'un pour Allah à cause de sa religion, que tu devrais lui dire à cette personne que tu l'aimes. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. Eh, mashallah. Donc, mashallah, tu n'as pas perdu de temps, mashallah. Sam'an wa ta'a. Barakallahu fik. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a informé Mu'adh, radiallahu anhu, qu'il l'aime. Et donc, il lui a dit, ne laisse pas à la fin de chaque prière de dire, oh Allah, aide-moi à ton rappel, à te remercier et à bien t'adorer. Et ça, c'est la preuve, c'est la preuve que, yani, si tu aimes quelqu'un, tu dois lui donner un bon conseil. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ici dans ce hadith, quand il a aimé Mu'adh, il lui a donné un bon conseil, il lui a enseigné quelque chose. Donc, si tu aimes quelqu'un, tu lui donnes un bon conseil. Et ça, c'est la meilleure des choses que tu peux donner, c'est de lui rappeler quelque chose qui est bénéfique pour lui dans sa religion. Subhanallah. Et je pense à ça parce que quand il dit wa husna ibadatik, quand je me rappelle avant d'être musulman, ou bien plutôt avant d'avoir réellement connu la religion musulmane, au début, avant de me convertir, c'est-à-dire que Moi, pour dire franchement, quand je me suis converti à l'islam, j'avais pas connu de musulmans. Je connaissais pas de musulmans encore. Et j'ai connu la religion musulmane par des livres au début, parce que je lisais sur la religion musulmane par des livres, même écrits par des non-musulmans, des chrétiens, des juifs, c'est-à-dire des livres qui parlent de l'islam. Je connaissais, parce que c'est les livres que j'avais trouvés à la bibliothèque. J'avais pas trouvé une mosquée ou des choses comme ça. Il n'y avait pas d'internet. En 91, là, l'internet était encore élémentaire. Et puis, j'avais même pas d'ordinateur. J'avais jamais touché un ordinateur à cette époque-là, donc je savais même pas comment ça fonctionnait. Donc, je lisais que les musulmans prient 5 fois par jour. Je lisais que le témoignage de la foi, il faut dire, yani, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Bon, eux, ils disaient qu'il n'est de Dieu que Dieu. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils disaient que la traduction de ça, dans un livre que j'avais, il mentionnait en arabe, même la translittération, la prononciation. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Puis j'avais entendu une cassette de Malcolm X à l'époque, parce que je lisais un peu sur les discours de Malcolm X, qu'il fallait dire cette phrase pour devenir musulman. Alors j'étais comme ça chez moi à la maison, puis j'ai commencé à dire, j'ai dit cette phrase, parce que j'ai dit, bon, ça y est, j'avais lu une traduction du Coran, puis j'ai dit, ça y est, je crois en l'islam. Et cette copie du Coran que j'avais trouvée même dans une librairie chrétienne au centre-ville, au centre d'achat de la place des cathédrales. Ouais. Il y a toute une histoire avec ce Coran, comment je l'ai trouvé. J'étais dans une fête à ce moment-là dans le sous-sol d'une église, avant quand j'étais jeune, avant l'islam. Puis il y a un ami que je connaissais, je ne me rappelle plus même de son nom, mais il m'a dit « Oh, j'aimerais bien lire le Coran ». Et c'est là que j'ai su que le Coran, c'était un livre. Parce qu'avant ça, je ne savais pas. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai dit, eh oui, c'est vrai, hein? Moi aussi, j'aimerais bien ça savoir. Parce que je lisais les livres de Malcolm X à l'époque, les discours de Malcolm X. J'avais lu un petit peu, entendu parler du Coran. Mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'était, en tout cas. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, je vais partir. J'avais l'habitude, quand j'allais au centre-ville, je passais des heures dans les librairies. J'aimais beaucoup les livres. Alors, je passais des heures dans les librairies. Puis là, je suis tombé dans une librairie chrétienne. Et dedans, il y avait des livres sur différentes religions, les hindous, les bouddhistes. Et comme c'est étrange, des fois, chez les chrétiens, c'est que quand ils parlent de l'islam, ils le placent toujours avec les religions orientales. C'est-à-dire, ils vont mettre l'islam avec le bouddhisme et l'hindouisme. Comme si c'était des religions d'idolâtrie. Puis ils mettent le judaïsme avec le christianisme, hein, en disant ça c'est la religion monothéiste. Et ils savent que les musulmans croient en Dieu unique, pourquoi ils les mettent avec les hindous et les bouddhistes qui adorent des statues et des idoles, hein? En tout cas, pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai pris la copie de la traduction, une des copies que j'ai trouvée, la traduction de Yusuf Ali en anglais, avec le texte arabe à côté. Puis là je trouvais ça très beau, parce que l'écriture arabe, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, ça fait vraiment mystérieux de voir les lettres arabes. Si tu n'es pas familier avec ça. Et puis le fait d'avoir la traduction à côté, ça donnait plus d'authenticité même au texte, parce que tu dis ça c'est le texte original. Quand nous on lisait la Bible en français, on n'avait jamais les lettres en hébreu ou en grec ou en quoi que ce soit là. En araméen, c'était juste la traduction brute, là, sans le texte original. En tout cas, j'ai ramené ça. Quand je suis arrivé à la caisse pour l'acheter, la copie de la traduction des sens du Coran en anglais, le vendeur, il était en train de jouer de la cornemuse, parce que c'était des chrétiens anglicains, l'église anglicane, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, C'est la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, c'était la chef de cette église-là. C'était la chef de l'église. C'est la représentante de l'église anglicane. En tout cas, ceci dit, ils m'ont dit, tu sais que ce livre était écrit 600 ans après Jésus? J'ai dit, oui, je sais. Je l'ai pris et je suis parti. Quand je suis rentré dans le métro pour aller chez moi pour lire, j'étais dans le métro, je l'avais mis dans le sac, j'avais la copie dans le sac. Je l'ai sorti du sac pour commencer à le lire. Et quand je voulais commencer à le lire, il y avait un rasta à côté, juste là. Avec un rasta, tu connais les rastas? C'est les gens qui ont la religion des Jamaïcains qui ont les gros chapeaux comme ça, là. Rouge, jaune, orange, rouge, jaune, vert, comme Bob Marley. Oui, c'est une religion, en fait. Lui, il m'a dit, t'as pas le droit de lire ça comme ça, il faut que tu te laves avant de le lire. J'ai dit, vraiment? Il m'a dit, oui. Alors, j'ai fermé le livre, j'ai mis dans le sac, et je suis arrivé à la maison, j'ai pris ma douche, et puis j'ai pris, et j'ai lu. En réalité, c'est pas obligé de se laver avant de lire, parce que c'est pas le Coran, c'est la traduction. Mais lui, il ne savait pas, donc il m'a dit ça comme ça. Et moi, bon, je voulais faire les choses comme il faut, alors j'ai respecté ça et je me suis lavé. Et puis, je commençais à lire. J'ai lu Al-Fatiha, j'ai lu Al-Baqarah, le début, surtout avec les notes, il y avait plein d'annotations en bas. Puis, à un certain moment donné, j'ai dit, ça c'est la parole d'Allah, ça c'est clair. J'ai dit, ça là, c'est pas un être humain qui a écrit ça. Et puis là, j'ai pris les pages jaunes et je vous dis ça, cette histoire, c'est la vérité, 100%. J'invente rien, même que je ne dis pas tous les détails, mais je dis des choses que c'est arrivé tel quel. Parce que j'étais encore dans l'ignorance, je ne connaissais pas. Mais je cherchais des informations sur l'islam. Après, je lisais. À un moment donné, j'ai commencé à aller à l'école. Je commençais à faire mes 5 prières par jour, mais je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas qu'il fallait rester debout, réciter, faire le recours, faire le sujoud, des choses. Moi, je ne savais pas. je ne savais pas où il y a, je savais pas c'est, qu'est-ce que c'est une mosquée, où sont les mosquées, où sont les musulmans, je ne connais personne. Alors j'ai dit, je sais que les musulmans, ils prient, quand ils prient, ils se prosternent, font le sujoud. Donc moi, je mettais une serviette, comme les serviettes quand on prend son bain, je mettais ça par terre, et puis je faisais le sujoud. Je ne sais pas combien, est-ce que je fais 3, 4, 5, 10, combien de temps, qu'est-ce que je dis, je ne sais pas. Mais 5 fois, 5 moments de la journée, je m'arrêtais puis je mettais ma serviette. Je ne savais pas qu'il fallait faire le wudu, je ne savais rien. Je ne savais pas la fatiha, je ne savais pas rien du tout. Juste, je m'arrêtais, je prenais la serviette, je faisais des sujouds. Après, j'ai commencé à lire ça. Puis, une fois, j'étais à l'école, j'étais allé pour faire ma prière dans le corridor. Et il y a un professeur qui m'a trouvé, qui m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit, « Moi, je suis musulman, je fais la prière. » Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, peut-être que là, je suis en train d'inventer une nouvelle secte ou quelque chose, là. J'ai dit, je ne connais même pas un musulman, je ne connais personne, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais. J'ai dit, c'est mieux peut-être que je commence à rencontrer d'autres musulmans pour connaître la fraternité de l'islam. Alors c'est à ce moment-là que là, j'ai cherché dans les pages jaunes, j'ai trouvé la mosquée à Montréal-Nord. À l'époque, c'était dans une maison qu'il priait là-bas. Donc j'ai téléphoné et puis j'ai dit, ben moi connaître la fraternité de l'islam. J'ai dit, moi je suis musulman déjà, mais je veux connaître la fraternité de l'islam parce que je ne connais pas de musulmans. Il m'a dit, oui, viens, tu peux venir. Et puis quand je suis parti là-bas, je me rappelle la première journée que je suis rentré, il n'y avait personne dans la mosquée, c'était la journée. Et puis ça sentait bon dans la mosquée, il y avait comme de l'encens. Et puis une des choses que je me rappelle qui m'avait le plus frappé, c'est qu'il n'y avait pas de chaise dans la mosquée, il n'y avait que des tapis. Et ça m'avait frappé parce que tu rentres dans n'importe quelle église, là, c'est que des bancs partout. Et là, tu rentrais, tu vois que des tapis. Ça faisait vraiment une atmosphère de paix. En tout cas, je me suis assis, il m'a parlé un petit peu, il m'a dit, c'est pas moi qui va te parler, parce que moi, je connais pas vraiment beaucoup la religion, mais il y a un monsieur qui va venir, lui, il va pouvoir t'expliquer plus. Puis le frère qui est venu, c'était un Algérien, un frère salafi. Il s'appelait Ranem. Et c'est toujours un de mes amis. Il habite aux Émirats et c'est lui qui m'avait donné les bases. C'est lui qui nous a donné les bases sur la croyance, sur l'adoration, la prière, la purification, les choses de base là, que les musulmans doivent connaître, la foi, et puis c'est ça. Donc, c'est comme ça. Tout ça pour dire que pourquoi je vous ai dit ça, c'est parce que dans mes prières, avant que j'aille à la mosquée, quand je faisais mes prosternations, qu'est-ce que je demandais à Dieu pendant que j'étais prosterné? Je disais toujours, « Oh Allah, mon Dieu, aide-moi à t'adorer de la meilleure façon. » Je disais toujours, « Aide-moi à t'adorer de la meilleure façon. » Et puis, c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé à l'islam. Donc c'est pour ça que quand je lis le doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné à Mu'adh, yani a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, hein, aide-moi à me rappeler de toi, à te remercier et à bien t'adorer. Ça m'a un peu ému dans le sens que ça me rappelle justement les premiers doua que j'ai fait comme au début, même quand je voulais connaître l'islam. Alhamdulillah. Donc, c'est par la grâce d'Allah. Et donc, le cheikh, il dit donc, « Wa duburu kulli salah »« Yani duburu shay' yufassirunahu tafsirain »« Imma annahu akhiruhu wa imma annahu ma ba'dahu » يعني دبر كل صلاة يحتمل أن يكون المراد في آخر كل صلاة ويحتمل أن المراد بعد السلام من كل صلاة ولكن الاحتمال الأول أقوى لأن الدعاء في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة فالأفضل أن يأتي به داخل الصلاة قبل السلام وإن قاله بعد السلام فلا بأس أيضا ولكنه أقل من الأول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وهذه صفات أولياء الله سبحانه وتعالى التي من اتصف بها كان من أولياء الله طيب فنترجم ثم نحاول أن نجيب إن شاء الله دونك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى il explique ici que دبر كل صلاة ça peut avoir deux sens soit que ça veut dire à la fin de la prière c'est-à-dire avant le taslim ou soit que ça veut dire après, tout de suite après la salat après le taslim mais le cheikh il dit que la signification ou la possibilité la plus forte des deux c'est que le doua devrait être fait à la fin de la salat avant le taslim il dit pourquoi parce que le doua que tu vas faire pendant l'adoration il est meilleur est plus fort que le doua que tu vas faire en dehors de l'adoration. Donc, de le faire avant le salam, c'est qu'est-ce qui est préférable. Mais, il dit toutefois, si tu le fais après le taslim, eh bien, il n'y a pas de mal à ça non plus, sauf que c'est moins que le premier exemple. Et quand tu dis donc, oh Allah, aide-moi à ton rappel, à me rappeler de toi, à te remercier et à bien t'adorer, et ça, c'est les caractéristiques des awliya d'Allah. Et ceux qui ont donc ces caractéristiques-là, qui se rappellent d'Allah, qui remercient Allah et qui l'adorent de la meilleure façon, eh bien, ceux-là, c'est des awliya d'Allah. En ce qui concerne le dua al-istikhara, hein, c'est... Est-ce que dans je me rappelle plus si... Est-ce que dans le hadith de dua al-istikhara, il mentionne de le dire la même façon, dubur salah. Je me rappelle plus. Mais si c'est le cas, c'est ça. Ce serait la même chose. Soit de le faire à la fin de la salat, ou bien de le faire après le taslim. D'accord? Et, yani, Allahu a'lam. Donc on pourrait vérifier ça par la suite, inshallah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui dans le livre de Al-Furqan et on continuera le prochain cours, inshallah, la suite de ce sujet, bi'iznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين